des ombres, Kaylis, Altesse, larmes de sang. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang. Oublie ma vie, on n'a pas le même avenir. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang comme une enfant. Écoute encore mon récital qui sature. Et peu importe, mon corps s'étale, moi je suis né en marche de la nature. Je vois ton visage dans le miroir de ses verres. Je me souviens de ton passage, de ton orgueil avec ses mots sévères. Jour après jour, on abdique, on s'éclipse et on se quitte. À la fin, sans lendemain, on dit qu'on est quitte. Balance ton étiquette, Dieu joue avec tes fils. Petite marionnette, tu ne vis que dans tes films hein. C'est fou ce que tu peux dire quand les mots te font défaut. Ce que tu peux rire de la souffrance, misère en fond d'écho. Tu sortais sous la pluie pour plus qu'on te voie pleurer. C'est comme si je le sentais, t'abîmes ta vie mais t'es trop endetté. L'amour m'endetté de crise et de finance. D'un destin qui se brise dans le tracas de l'indifférence. Et quand j'y pense, tu t'éloignes et je te laisserai partir. Oublie ma vie, on n'a pas le même avenir. Toutes ces années loin des roses, sous l'hiver de décembre. Comment veux-tu reconstruire quelque chose avec des cendres? J'imagine un exutoire, une autre histoire en excision. Des décisions pleines d'espoir, d'amour en prévision. Mais j'ai trop vu la différence de nos deux âges. Comme un stylo bloqué sur une page d'une vie en balotage. Placer le courage, déplacer les ratures. Tout effacer, recommencer, tout ça pour me dire que je suis pas assez mature. Mon cœur me l'interdit, étendu sur mon lit, défendu d'y penser. Mais je me noie dans toutes ces insomnies. Alors je me souviens de toutes ces confidences. Dans l'atmosphère, la tension évite le conflitant. J'évite de voir la vie se défiler, de rire me dire d'en sacrifier les fautes. Je suis pas seul, on oublie tous les autres. Je ne suis qu'une ombre qui se perd. Une dernière chose sur ma tombe, laissez vos commentaires. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang. Et ma vie, on n'a pas le même avenir. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang comme une enfant. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang. Et ma vie, on n'a pas le même avenir. Toutes ces années s'éloignaient sans cesser de témoigner tes sentiments. Maintenant laisse-moi dans mes larmes de sang. Et ma vie, on n'a pas le même avenir. S'éloigner sans cesser, se témoigner des sentiments. Maintenant oublie-moi, laisse-moi dans mes larmes de sang toutes ces années. S'éloigner sans cesser, se témoigner nos sentiments, tu comprends. Oublie-moi, laisse-moi, je me partage pas larmes de sang.